Ouais, non, je veux pas tout faire flamber, je rote. C'est le royaume des illuminés, en fait chez moi, c'est pas ici. Ici, c'est juste le casino en plastique. Des gogos qui tournent en boucle dans leur cycle névrotique. Ça n'a aucun sens, je voudrais retourner à l'essence. Ouais, non, je veux pas tout faire flamber, je retourne dans la graine, dans la graine. Tout ce qui existe.